Pacifique. La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à la toute dernière édition de l'émission de la Fierté Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1. Effectivement, aujourd'hui, ça va être notre dernière émission dans sa présente forme. La raison, c'est bien simple, c'est que moi, comme Lucas, on a des projets de vie qui vont nous amener en dehors de la Mauricie. Peut-être que la sortie de secours va éventuellement revenir sous forme de podcast ou de chaîne YouTube ou on sait pas quoi. On ne sait pas pour l'instant, on s'en est pas parlé. Lucas, justement, t'as failli ne pas être à l'émission aujourd'hui, en fait. Oui, effectivement, j'ai moi-même un nouvel emploi loin d'ici, comme le dit la chanson. C'est loin en Titi. C'est effectivement la capitale. Mais je trouvais un contrat dans la fonction publique. Et bon, ben, premièrement, c'est loin, c'est beaucoup d'heures. Et ensuite, ben, je suis officiellement un fonctionnaire, ce qui vient avec un devoir de réserve qui fait que ben, j'ai pas le droit vraiment de parler en public des recherches que je fais, puis ben, ça tombe que c'est des recherches en éthique des sciences et technologies, ce qui est pas mal tout le temps ce que je vous jase en ondes, fait que je voulais être sûr hein, aussi qu'il n'y ait pas de conflit avec ça, puis bon, il faut pas non plus prendre publiquement de position politique. C'est un petit peu le concept de l'émission, fait que pour moi, ça deviendra un peu compliqué dans la forme actuelle. Voilà. Puis toi? Ben moi, écoute, j'ai appris que c'est pas parce que t'es une des meilleures écrivaines dystopiques du 21e siècle que tu connais tes classiques de science-fiction. Je parle de Margaret Atwood qui pense que ceux qui ont commis le 11 septembre ont somehow été influencés par Star Wars, c'est-à-dire le vieux, là. Donc, selon elle, l'idée, c'est que c'est deux dudes qui volent dans une construction et qui la font éclater. Dans les deux cas. Fait que, clairement, un a été influencé par l'autre. Pareil. Non, c'est une auteure féministe. Puis, soit dit en passant, c'est aucunement un commentaire sur la qualité de ses œuvres. Mm-hmm. Mais les fans de partout dans le monde se demandent si l'auteur de Handmaid's Tale a bel et bien écouté le classique de 1977. Hein, Star Wars, celui qu'on appelle maintenant l'épisode 4, A New Hope, hein, qui était à l'origine seulement Star Wars. C'est ça qui est sorti en 1977 sur les écrans, 24 ans avant l'attentat du 11 septembre 2001. Vous voyez ça d'une autre manière, deux rebelles occidentaux, hein, ces deux blancs, blonds châtains, qui démolissent l'arme de destruction massive d'un empire fasciste versus des terroristes à tendance religieuse qui se balancent eux-mêmes dans des bâtisses à bureaux. C'est ça, le lien est là, peut-être, mais bon. C'est pas la première fois qu'elle fait des drôles de sorties, puis en plus, c'est que, tu sais, justement, avec l'œuvre qu'elle a écrite, elle est considérée justement comme une auteure influente, féministe, etc. Puis pendant le mouvement MeToo aussi, elle avait fait des sorties un petit peu étranges. Du genre que le mouvement MeToo, c'était vraiment exagéré, puis que ça allait beaucoup trop loin. Oui, puis elle avait fait partie des gens là, qui avaient dit que c'était rendu une chasse aux sorcières, puis bon, etc. C'est paradoxal, en fait, parce que c'est littéralement la même chose que... Personnellement, j'ai pas lu Handmaid's Tale, j'ai pas écouté la série non plus, mais j'ai quand même lu un peu sur le sujet pour me faire une tête. C'est dans ma liste de choses à lire, virgule, écouter. Mais ça reste que ça parle, en fait, justement, de l'utilisation du corps de la femme et ainsi de suite. C'est comme... En tout cas... Mais c'est pas tout cette semaine. J'ai aussi appris que les bonnes habitudes de journaliste, ça se perd vite, hein? Comme tout le monde a eu la douche froide de Marisol, on pourrait dire. Marisol qui admet avoir menti à son entrée en politique, en fait, c'est-à-dire il avait bel et bien rencontré le PLC avant de se lancer avec QS. Fait que là, ben écoutez, là, le PQ ne s'en pouvait plus de sauter de joie et de finalement... on l'avait dit, hein, il est malhonnête, QS, parti, hein, c'est pas vrai, hein, c'est des libéraux, puis bon. Peu importe pourquoi il a approché l'équipe Selfie, comme j'aime bien appeler parfois le PLC, il a pas aimé ce qui lui a été proposé. C'est un peu ça, c'est une des affaires, je veux dire. Il est pas avec eux autres, il est avec QS parce que ça faisait pas son affaire d'aller avec le PLC. Rappelons aussi que même si on parle beaucoup de la prenabilité du comté qu'il a choisi, hein, Rosemont, qui est le comté de Jean-François Lisée, c'est pas encore un vrai move carriériste de se présenter pour QS en 2018, surtout quand même contre le chef de la deuxième opposition. à la base, faut pas oublier aussi que le PLC est un parti progressiste. Peu importe ce qu'on peut reprocher en termes de vente de véhicules militaires et autres pipelines à Justin Trudeau. Donc, ça reste pas incohérent non plus. C'est sûr que la question fédéralisme versus souverainisme, bon, ça regarde mal un peu. On le sait que QS a toujours été une coalition qui était pour une plus grande souveraineté, mais ça passait pas nécessairement par un référendum de désaffiliation et ainsi de suite. Ouais. Je suis aussi de l'avis que, bon, les gens voient une incohérence, puis il y en a, là, il y en a. Il y a un immense fossé. Il a directement menti, en fait. Là. Exact, puis ça, effectivement, ça pardonne pas, surtout quand t'es un ancien journaliste, merde. Mm-hmm. T'es censé être le premier à dire « Hey, non, c'est le genre d'affaire que je dénonçais, tu sais, à l'époque. » Mais faut quand même voir que si sa motivation première de se lancer en politique... disons, en dehors des détails des plateformes, était de freiner un espèce de virage identitaire qui dénonce à la fois chez les conservateurs sur la scène fédérale, à la fois au PQ sur la scène provinciale. Ben, on peut voir qu'il y a une cohérence en arrière, mais effectivement, sur tout plein de sujets, ça démontre qu'en fait, il était polyvalent, pour dire ça poliment. C'est sûr. C'est peut-être une affaire de justement, peut-être un peu plus d'analyste, c'est que quand tu analyses, tu sais, la plupart des gens votent avec les nouvelles, entre guillemets, c'est-à-dire avec ce qui ressort du comportement des élus au jour le jour. Alors que ce que j'appelle peut-être un biais d'analyste, qui est en même temps ce qui devrait être réellement le débat politique, ben c'est qu'on analyse plutôt les plateformes des partis. Et si vous regardez la plateforme du PLC, quelqu'un de gauche qui trouve que notre émission, on est trop des collabos, tu sais, le genre de personne qui pose des pancartes rouges un peu partout sur des récollets, je vais y revenir d'ailleurs, pourrait quand même être semi-d'accord avec la plateforme du PLC, bien que dans l'application de cette plateforme-là, souvent, on voit que ça devient un parti beaucoup plus centre de droite timide, progressiste sur les questions sociales. Pétrophile? Ouais, pétrophile, on pourrait dire. Des pétro-socialistes. Je pense que c'est ce qui représenterait le mieux le PLC. Puis même là, c'est plus si socialiste que ça dans les faits. Mais bon, tu sais, la plateforme elle-même se veut... Tu sais, c'est pas pour rien qu'on disait en blague que, bon, aux dernières élections, c'est quoi la différence vraiment entre le PLC et le NPD? C'est-tu juste que le PLC a plus de budget? C'est pas faux, là. Tu sais, le NPD a une tendance à s'en aller vers la droite. Le PLC, qui a été longtemps un parti de droite pur et simple, revient vers peut-être quand même un certain progressiste de plus. Mais bref. L'herbe est toujours plus jaune à Ottawa, hein? On est revenu d'ailleurs, on a un petit l'herbe est parfois jaune à Québec aussi, d'ailleurs. Effectivement. Un peu plus tard dans l'émission. Autre chose qu'on a appris cette semaine, hein, parler de nos favoris du Trumpistan, là. C'est sûr, moi, pour la dernière émission, j'ai essayé de passer vers tous nos favoris trumpistants. Que se passe-t-il cette semaine? Moi, je dirais que ça a été une semaine pour Trump sous le signe de la guerre, c'est pas une raison pour ne pas s'aimer. C'est simplement une allusion à Trump qui discutait de son nouveau concept préféré, c'est-à-dire les guerres commerciales. On dirait que c'est sa nouvelle bébelle dernièrement. Là tu sais, la Corée du Nord a l'air de vouloir se calmer un peu, fait que là, sa nouvelle bébelle, c'est les guerres commerciales. Trump, en fait, s'est fait citer cette semaine, en fait, s'est fait filmer en train de dire que oh, on va tarifer les produits européens, on va mettre des taxes d'importation sur ces trucs européens, mais avec amour. Hein? Puis ils vont même encore plus nous aimer grâce à ça, hein? Ça va être tout gentil. Oh. Il a vraiment littéralement dit les mots « They're gonna like us better after that ». aux dernières nouvelles, l'Union européenne répondait par la bouche de ses canons économiques, évidemment, et annonçait aussi une foule de nouvelles taxes sur les importations états-uniennes. Peut-être pas avec amour, par contre, mais sûrement avec un petit sourire en coin, en tout cas. Et finalement, j'ai aussi appris que, justement, j'en ai fait allusion tantôt un peu, plus ça change, plus c'est pareil au collégial. Je dis ça sans aucun jugement, mais moi, je me rappelle de mes amis au collégial comme « C'était donc cute comment est-ce que tout le monde au cégep joue un peu un personnage, tout le monde essaye d'être le gars qui ou la fille qui ». Puis, ça inclut pour certains de se mettre à triper sur des idéologies fortes, comme le marxiste-léniniste-maoïste. Puis, ça donne des trucs comme la quantité impressionnante d'affiches et de tracts que sur les journées d'éducation communiste qui sont retrouvées là, surtout dans le secteur des Récollets, mais en fait un peu partout à Trois-Rivières, au point que le Nouvelliste a fait des articles sur comment est-ce que c'est en train de coûter cher à la ville de décoller ça, parce que ça a été collègue la grosse colle en plus sur des abribus, des choses comme ça. Sérieusement, si vous avez pris une marche sur des Récollets dans le coin de Louis Pasteur, alentour du cégep, là, c'est impossible de ne pas le voir. C'est tous les poteaux, sans exception, les lampadaires, les poteaux électriques, c'est partout, partout. Puis il y a quand même eu de la passation de tracts dans les proches des centres d'achat. Il y a eu même dans des... j'ai eu vent d'un magasin où carrément ils sont rentrés dans le magasin puis ils déposaient des piles de tracts un peu partout dans le magasin sans dire un mot. Là. mais on lâche pas, camarade. Ouais, c'est ça. Fait que c'est beau d'avoir des idéaux forts, c'est beau de vouloir faire de l'éducation populaire, mais on s'entend que ça n'a pas été installé par des éco-communistes, ces papiers-là. Et je leur déduis néanmoins la chanson suivante. Suivante, c'est Les Petits Chanteurs à la gueule de bois avec Long Tube de l'été. Donc, c'était Les Petits Chanteurs à la gueule de bois avec Long Tube de l'été. D'ailleurs, je dois donner à Jean-René Dufort le crédit d'avoir découvert cette perle sur Internet et de l'avoir partagé à Infoman. C'est ça, je trouvais que ça fitait un peu, puis en même temps, c'est comme entraînant, puis ça fait été. Fait que je me disais, dans la grisaille qu'on a là, je me disais que ça ferait du bien. D'ailleurs, parce que là, on s'en va faire des affaires un peu plus déprimantes, n'oublions pas que l'herbe est parfois jaune à Québec. À l'émission, on rit souvent des États-Unis, qu'on aime bien appeler le Trumpistan depuis l'élection du Cheetos en chef à la présidence. Par contre, notre belle province n'est pas en reste de scandales et c'est tout autant vrai de la capitale. En fait, dans cette chronique de l'herbe parfois jaune à Québec, j'ai deux grands sujets. De un, le malaise de feu le ministre Daou, et de deux, les histoires de transport en commun dans la capitale. Donc, ministre Daou, en fait, pourquoi on parle de lui? Le ministre Jacques Daou, qui a été ministre de l'économie, entre autres. Jacques Daou? Je viens d'avoir un blanc. En tout cas, le ministre Daou. Ministre Daou, un peu avant son décès cet été, a écrit, en fait, un genre de d'essai, si on peut dire, ou un genre de un papier, en fait. Puis ce papier a refait surface cette semaine. Puis ça nous a donné un aperçu, en fait, aussi intéressant qu'inquiétant sur comment ça se passe au gouvernement libéral, comme derrière les portes closes, le fonctionnement interne. Ça concerne, en fait, la vente de Rona à l'américaine Lowe's à la fin de l'hiver 2016. Rona l'entrepôt, hein, qu'on connaît, le magasin de produits de rénovation et de construction, a été vendu à son homologue, en fait, américain, Lowe's, L-O-W-E-S. Puis c'était notre fleuron, là. C'était un de nos fleurons. C'était une des grosses entreprises québécoises, parce que Rona, c'était à 100% québécois jusqu'à cette vente-là. On apprend, en fait, puis là, faut se remettre dans le contexte de 2016, hein, on avait eu droit à le message, là, la ligne du gouvernement, c'était vraiment « Ah non, mais c'est pas grave, c'est une bonne transaction, Lowe's, on va être respectueux de comment que ça se passe présentement, il n'y aura pas de mise à pied massive, puis tu sais, bon, faut dire que oui, regarde, on perd un siège social, mais on en a gagné combien cette année? » C'était ça un peu le message. Ce qu'on apprend, en fait, c'est que Daou n'était pas d'accord avec le fait d'entériner cette vente, parce qu'au Québec, toutes les grosses ventes d'entreprises québécoises qui ont été beaucoup subventionnées, le Bureau de la concurrence puis le ministère de l'économie doivent entériner la vente, en fait, doivent accepter pour pas que ça crée justement des trop gros monopoles ou des trop grandes pertes pour le Québec. Puis là, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on se permet de se mêler des affaires des entreprises? Une des choses, c'est que Rona, comme beaucoup de fleurons québécois, a été, à travers les années, extrêmement subventionné. Donc, on considère qu'on a quand même une petite part là-dedans. Donc, on a quand même notre mot à dire. Malgré en fait ce qui était, comme je disais tantôt, la ligne du gouvernement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas paniquer avec ça, le ministre Daou considérait que c'était bel et bien grave de perdre ce siège social-là, en fait. Finalement, on apprend qu'il aurait reçu même des pressions mêlés avec, des communications malhonnêtes, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des informations qu'il y aurait eu trop tard ou des informations qu'il y aurait reçues qui étaient, en fait, délibérément erronées, ce qui l'avait placé dans une drôle de situation où ce qu'il défendait de quoi, mais qu'il ne savait pas, en fait, ce que lui-même défendait. Là, c'était un peu particulier comme situation. C'est qu'il faisait un point de presse en ayant quelque chose en tête, donc il disait certaines choses mais ça le rendait coupable d'être malhonnête techniquement, mais lui-même ne le savait pas. C'est un peu particulier, en fait, comme situation. Puis, en fait, ces pressions-là, parce qu'il s'est fait, il y a eu des pressions aussi à dire que « Non, mais tu vas suivre la ligne du parti », mais aussi on l'a un peu, je sais pas, par la ruse un peu, on l'a amené à défendre certaines choses qu'il n'était pas prêt à dire en public. Ben, en fait, il a finalement maintenu les rangs. Puis, en fait, la personne qui aurait... il cite dans le texte que la personne qui aurait exercé ces pressions-là et qui l'aurait un peu manipulé en quelque part, ça serait, en fait, il dit jamais c'est qui, mais que ça serait un haut placé du gouvernement, c'est-à-dire plus haut qu'un des ministres principaux. Là, tu sais, ministre de l'économie, c'est quand même un gros ministère. Puis, ben, en fait, ça porte à croire que ça serait fort probablement, en fait, le chef de cabinet du premier ministre. Donc, pas Philippe Couillard directement, mais son chief of staff, mettons. Bref, c'est un aperçu sur la manière de gérer les affaires à l'interne qu'on devinait depuis longtemps. En fait, depuis, on se doutait que ça fonctionnait un peu comme ça à la micro-facho à l'intérieur même du PLC, du PLQ plutôt. Mais maintenant, on a en fait une genre de confirmation de ce que pas mal tous les analystes là, disaient que ouais, on a l'air, ça a l'air d'être comme ça un peu. Fait que c'est ça. Ça, c'était pour les déboires du ministre Daou, les déboires posthumes du ministre Daou. Un autre sujet intéressant, en fait, par rapport à notre capitale, c'est plutôt au niveau municipal, en fait. On en a parlé un peu dans les dernières semaines, mais je voulais un peu revenir sur le sujet parce que je trouve ça intéressant, en fait. Je voulais l'amener plus d'une autre manière. Puis, Lucas, tu vas peut-être pouvoir même en parler avec tes nouvelles expériences de salarié travaillant dans le centre-ville de Québec. Mais en fait, c'est que c'est à propos il faut donner un contexte, en fait, avant. Avant le nouveau plan d'infrastructure du Québec, la ville de Québec était la seule ville de plus de 100 000 habitants au monde, pas juste au Québec, là, on s'entend, mais au monde, à ne pas avoir de transport en commun structurant, c'est-à-dire un métro, tramway, c'est-à-dire plus de transport en commun que quelques trajets d'autobus un peu, qui traînent un peu partout, mais vraiment une espèce de pôle central au transport en commun. C'est-à-dire que c'était, autrement dit, la seule ville de 100 000 et plus habitants au monde qui est arrangée comme la ville de Trois-Rivières, c'est-à-dire 3-4 trajets d'autobus qui couvrent pas tant la surface au complet de la ville, mais bien un truc comme le métro de Montréal ou les tramways de San Francisco, des choses comme ça. Donc, il a été annoncé dans le plan d'infrastructure que, dans le fond, Québec allait avoir un tramway qui servirait de transport en commun structurant. Puis c'est là que ça devient drôle, c'est que avant le nouveau plan d'infrastructure, on disait, pour ne pas les nommer, certaines radios de Québec, Québec, c'est en masse grand pour avoir une équipe de la LNH. Hein? Ben oui, ça va pogner une équipe de la LNH. D'ailleurs, merci à Infoman d'avoir fait le lien là encore. C'est une chose que je vais peut-être dire dans notre deuxième moitié d'émission où on va parler un petit peu plus de... On va faire un retour méta un peu sur nos saisons à la sortie de secours. Mais nos années à la radio. Nos années à la radio. C'est vraiment comme ça que j'ai appelé le segment dans nos notes, d'ailleurs, dans notre plan d'émission. C'est ça, moi, Infoman a toujours été... Jean-René Dufort a toujours été une source formidable d'inspiration et de scoop et ainsi de suite. C'est ça pour dire que ben maintenant, Québec, c'est pas assez gros pour avoir un métro. Carrément, ça a carrément été dit par exactement les mêmes gens qui défendaient « Oui, il faut qu'on ait une équipe de la LNH à Québec. » C'est ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y en a qui vont dire, il y a un parti à la mairie qui a fait sa campagne là-dessus. Le mieux, c'est le troisième lien. C'est-à-dire créer un troisième pont entre la rive sud de Québec et la ville de Québec elle-même, donc entre Lévis et... On parle de l'est de l'île de la ville de Québec, en fait, là, parce qu'on s'entend, là, les deux ponts présentement mènent pas mal à Sainte-Foy. Là. Mais là, l'affaire, c'est... C'est un peu arriéré, en fait, de miser seulement sur l'automobile pour régler les problèmes de circulation dans une ville. Bon, c'est pas payant parce que, ben, plus d'autos en provenance de la rive sud, ça fait plus d'autos dans Québec, donc encore plus de trafic. Qui plus est, c'est assez démontré dans toutes les études d'urbanisme que vous allez trouver de tout temps que, ben, augmenter le stationnement, élargir les routes pour créer plus de voies, construire plus de ponts, ce que ça mène au bout du compte, c'est juste que, ben, OK, on patche le bobo pour tout de suite, mais dans 10 ans, on revient avec le même problème. Ouais. Parce qu'on fait juste, ben, OK, il y a juste plus d'autos finalement, donc, ben, ça sort jamais encore. Faut modifier comment que les gens se déplacent. C'est ça qui est payant à long terme. Puis, en fait, ça répond juste pas au même problème. Le troisième lien, à base, ce que ça fait, c'est amener plus vite les gens de la Rive-Sud en ville et ça les sort plus vite de la ville aussi. C'est ça que ça fait. Mais ça ne fait rien pour la circulation à l'intérieur de la ville de Québec. Le tramway, c'est là-dessus qu'il va avoir son influence. Donc, on pourrait concevoir faire les deux, en fait, et les deux pourraient être bénéfiques, même très ensemble, en fait, ça pourrait être. C'est juste que, ben, Québec est très... Et sur les ponts, n'est pas si mal en point que ça comparé à d'autres villes comparables dans le monde, et par contre très en point sur justement la circulation à l'interne. Donc voilà pourquoi. Fait que c'était une des raisons pour lesquelles l'herbe est parfois jaune à Québec. Finalement, ben, je sais pas si ça paraît, en fait, pour différentes raisons, j'avais préparé l'émission comme si j'étais tout seul à la faire. C'était comme un gamble un peu, on savait pas si Lucas allait être là à temps aujourd'hui, donc c'est ça, fait que effectivement je parle peut-être plus que d'habitude. Mais, c'est correct, t'as une belle voix. Ouais. T'es plaisant à entendre. Merci. Ce qui est drôle, en fait, c'est que dans la vie, on n'a pas la même voix du tout, mais apparemment qu'à radio, il y a des gens qui ont de la misère à nous différencier parfois, là. En fait, la manière de nous différencier, c'est pas notre thème de voix, mais que le fait que je parle beaucoup plus vite que toi, parce que je bois beaucoup plus de café que toi, en fait, avant l'émission. mais c'est ça. En fait, ça me porte à parler d'un autre sujet, en fait, que je reste dans le local encore cette semaine, puis j'en ai profité, en fait, parce que c'est un peu un de mes dadas, hein. Tu parlais de sciences et technologies. Moi, mon dada, c'est l'éthique et l'immigration. La tempête de la semaine dernière, on a eu une tempête médiatique la semaine dernière sur la décision de la mairesse de Montréal, Madame Plante, de permettre, en fait, aux policiers du SPVM de porter le turban ou le hijab. SPVM, service de police de la ville de Montréal. En fait, on se rend compte que cette tempête-là n'était pas complètement une tempête dans un verre d'eau. On a appris, en fait, qu'il y a une étudiante en technique policière au collège antique qui a l'intention de porter le voile quand elle va être engagée comme policière, quand elle va travailler comme police. Fait que finalement, est-ce que c'était le fait que, en fait, apparemment que c'était un fait qui avait déjà circulé un peu, mais c'était resté vraiment sur l'île de Montréal, on n'avait pas tant entendu parler. Les grands partis, évidemment, on se doute de ce que je m'en vais avec ça, les grands partis n'avaient pas récupéré la nouvelle, c'était resté. Donc, finalement, avec du recul, c'est peut-être pour ça que Madame la mairesse de Montréal a un peu ouvert le débat. Parce qu'effectivement, ce qui a été dit, c'est peut-être la seule chose intelligente qu'Agnès Malté a dit sur le sujet, mais c'est de dire que faudrait que la question se règle avant que la jeune fille soit trop avancée dans son technique. Parce qu'il faudrait qu'elle aille là, parce que c'est un peu stupide de la faire graduer, puis que finalement, finalement, tu peux pas travailler comme policière. Ah, effectivement. Puis comme je dis, c'est bien la seule chose intelligente que j'ai entendu Agnès Maltais dire depuis très longtemps. Parce qu'effectivement, comme on s'y attend, le PQ et la CAQ se sont outrés de la chose, évidemment. En réponse, le premier ministre Couillard, qui, on s'entend, je suis pas un de ses grands fans, mais là-dessus, je trouve qu'il était quand même assez wise, il a invité J.F. Lisée et François Legault à aller parler à la jeune femme et à lui dire en pleine face qu'elle n'a pas d'affaire à être policière. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est... Puis on l'imagine avec le petit ton un peu bonhomme et condescendant de Philippe Couillard, je lui invite à aller lui parler, puis... il a quand même un peu raison. Je vais proposer, en fait, à messieurs Lisée et Legault des lignes à éviter s'ils en viennent réellement à rencontrer Mademoiselle. C'est un top 3,5, hein? C'était un de mes segments préférés et à la demande générale des auditeurs, on l'avait ramené cette saison aussi. Fait que je me garde pour notre dernier épisode. Donc, top 3,5 des lignes à éviter quand les messieurs Lisée et Legault parlent avec la jeune future policière qui porte le hijab. Donc, le numéro 3. Citation. Ouais, mais il y a une adolescente à Gatineau qui s'est fait battre par son père parce qu'elle ne voulait pas le porter. Ça, c'est Agnès Maltais qui a ressorti ça. Comme je dis, elle dit de quoi d'intelligent cette semaine, mais ça a pas mal arrêté là. C'est qu'en fait, on la salue d'ailleurs. Bonne retraite. Oui, c'est ça. Bonne retraite, madame. Ce qu'en fait, l'idée, c'est imaginer cette jeune fille-là qui s'est faite battre parce qu'elle voulait pas porter le hijab. Comment ça serait senti si la policière qui prend son... qui s'occupe de son cas, porte elle-même le, qui prend son témoignage, c'est ça, porte elle-même le hijab. Ça peut sembler en surface une affaire à considérer, mais on s'entend que c'est pas toutes les policières qui vont le porter. Hein? Il y a peut-être moyen, effectivement, d'avoir une certaine sensibilité par rapport à qui va prendre le témoignage, de un. De deux, on n'en a rien à foutre, en fait. Le problème, c'est la violence. C'est pas la raison du violent d'être violent. C'est un peu un faux problème, une fausse... c'est ça, c'est un faux problème. On peut s'imaginer aussi que la jeune femme qui subirait une violence pour cette raison-là pourrait comprendre que d'autres personnes décident de préférer. De le porter, parce que c'est pas le hijab lui-même le problème, comme ce que d'ailleurs souvent les péquistes ont tendance à vouloir dire, mais c'est l'obligation. Le choix ou l'obligation, le côté forcé de la chose. Là. Du moment où quelqu'un force une femme à porter un morceau de vêtement, c'est extrêmement problématique, puis il faut effectivement faire quelque chose. Imaginez que ça aurait été on aurait parlé à la place d'une famille de bons Québécois blancs de souche, terme que je déteste, mais bon, tu sais, de Québécois blancs francophones d'héritage catholique, d'héritage franco-catholique, mettons, si on veut, qui, à la place, s'arrêtait de forcer sa jeune fille qui voulait mettre une camisole pour aller à l'école de mettre un col roulé. Le père là-bas, parce qu'elle veut pas mettre son col roulé, puis elle arrive pour s'en aller à l'école en camisole. Et que, oh, horreur, la policière qui prend son... prend le témoignage, porte un col roulé, parce que ça arrive souvent, en fait, porte un col roulé en dessous de leur chemise. Mm-hmm. On s'entend, là, la jeune fille est complètement traumatisée, là. Ben non, c'est pas ça, c'est l'obligation, le problème. Bref, c'était un exemple de merde. Le point numéro 2 de mon top 3,5 de quoi ne pas dire à la jeune fille qui veut devenir policière avec un hijab, c'est simplement de citer à tort et à travers la commission Bouchard-Taylor, particulièrement la section sur les... Ça, on en a parlé, en fait, la semaine dernière. C'est de citer la section, en fait, sur les représentants de l'État, particulièrement les représentants du pouvoir coercitif de l'État, donc juges, policiers, gardiens de prison. Premièrement, dans la commission Bouchard-Taylor, il disait que c'était les seuls qui devraient peut-être ne pas avoir le droit de porter aucun signe religieux. Historiquement, Bouchard et Taylor, eux autres mêmes, ont, du moment à peu près que le rapport de la commission a été déposé, eux autres mêmes sont revenus sur ce point-là. Chacun de leur côté ont dit qu'ils ne croyaient plus tellement à ça, même ils regretteraient presque de l'avoir mis dedans. Ça reste quand même, en théorie, la référence dans les décisions sur les accommodements raisonnables et autres. C'est le consensus officiel, même si il n'y a plus personne qui est derrière ça. Ben c'est ça, puis c'est qu'en fait, c'est ça. Bouchard, Taylor, eux autres mêmes ont renié ça. Faut pas oublier aussi que c'était un rapport consultatif. On a maintenant la loi 62, qui a force de loi, et la loi 62... n'a pas pris cet addendum-là sur la possibilité de porter des symboles religieux dans la fonction publique. De plus, rappelons que les partis comme la CAQ et le PLQ défendent 99% du temps des idées qui rentrent en contradiction avec la plupart des conclusions de la commission. Donc, c'est un petit peu hypocrite en même temps de leur part de citer la commission Bouchard-Taylor, surtout sur le point le plus critiqué de ce rapport-là, y compris par les deux rédacteurs du fameux rapport, par les deux commissaires, en fait, de cette commission-là, mais que le reste du temps, à toutes les fois qu'ils ont l'occasion de faire exactement le contraire de ce qui est écrit dans le puis même de prétendre de promouvoir des mythes qui ont été démontrés comme étant des mythes dans les premiers chapitres du rapport Bouchard-Taylor. On parle, entre autres, là, de le fameux drame là, de la prière dans une cabane à sucre et autres. Ça a été démontré que c'était complètement faux, en fait, là, ces histoires-là. C'était vraiment des fabulations des médias. On s'entend que le PQ a, en fait, souvent fait la promotion de ce mythe-là. Donc, ça fait dur un peu. Finalement, le numéro un, en fait, c'est d'aller dire « Ben oui, mais on est un gouvernement laïque. » Justement, un gouvernement laïque est aveugle à la symbolique religieuse, n'a pas à se mêler de symbolique religieuse. Les seules contraintes qu'on peut mettre sont de nature pratique. Donc, avoir le visage découvert, ne pas mettre la vie en danger, etc. Puis c'est un peu la conclusion, en fait, des parties les plus raisonnables dans la question, c'est de dire, bien, au bout du compte, c'est le chef de police qui devrait regarder parce qu'il faut qu'il évalue, pas la question du symbole religieux ou quoi que ce soit, mais est-ce que ça peut la mettre en danger dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que ça peut poser problème à l'exercice même de ses fonctions? Un hijab, ça couvre pas le visage, ça n'empêche pas la communication. Par contre, ben c'est peut-être dangereux si jamais il y a une altercation, quelque chose comme ça. Peut-être que ça peut en fait créer un danger pour la personne. Donc là, c'est à considérer, mais les questions religieuses n'ont pas rapport. Et d'ailleurs, c'est un top 3,5. Il y a toujours une petite mention spéciale à la fin. Mention spéciale, c'est « Je suis certain que t'es bien plus cute avec les cheveux lousses. » Ça, c'est l'excuse de mon oncle. Puis on dit non, juste non. Non. Sur ce, en fait, ça clôt déjà pas mal ce qu'on avait pour la première moitié de l'émission. On s'en va en pause. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission qui réconcilie la gauche régressive et la gauche progressive sur les ondes de C'est fou 89.1. Avant la pause, en fait, j'ai beaucoup parlé et je vous ai informé, entre autres, que ce serait notre dernière émission dans ce format. On ne sait pas ce que la sortie de secours va devenir dans le futur. Bref, En fait, c'est ça, l'idée, c'est que moi et Lucas, en fait, les deux, nos carrières d'école, et en fait, les deux, ben Lucas travaille à Québec maintenant, moi, je vais travailler à... Je déménage à Montréal les prochaines semaines. Lucas, en fait, devient fonctionnaire fédéral, provincial maintenant. Donc, en fait, les sujets qu'on aborde dans l'émission, Lucas, il y en a beaucoup qui vont être barrés. Fait que ça nous bloque pas mal dans ce qu'on fait, mais on se garde toujours la porte ouverte de ramener ça. Bref, on avait, en fait, j'avais décidé de garder la deuxième moitié de l'émission pour juste discuter, en fait, de nos années à la radio, de différentes choses comme ça, nos influences, ainsi de suite. Là, peut-être faire une espèce de conclusion un peu sur justement le... Bien fini l'émission. Avant toute chose, par contre, on va aller en chanson avec Octoplot et Regardez-la. Fait que ça finit raide, ça. Hein? C'était Octoplot avec Regardez-la, hein? Pour contrebalancer un peu le fluff de notre première chanson en début d'émission. fait que, ben, c'est ça, dans le fond, comme je disais au retour de la pause, on voulait en fait parler, vu que c'est notre dernière émission, on voulait un peu parler de nos influences, de ce que, tu sais, un peu de notre parcours un peu assez fou. Je me propose de commencer un peu là. Tu sais, puis ça, on a vraiment rien de préparé là. C'était vraiment, on s'est laissé un trou, puis on voulait juste comme jaser un peu, peut-être faire un peu plus de quoi de biographique, s'il y a de quoi là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite, hein? La société québécoise, c'était un peu ça le thème de notre émission pendant 2 ans, non? Ouais, c'est ça. C'était la sortie de secours. Tu sais, on s'était appelé la sortie de secours est à votre gauche parce que c'était un peu l'idée que, tu sais, on considérait que la société québécoise était dans un gros quand on a commencé en 2015 qu'on a commencé. Ah, hein? Hein, la société québécoise, on sentait un gros revirement vers le conservatisme et tout. Puis, tu sais, on était quelques mois après les histoires de laïcité là, avec le PQ. Puis, tu sais. C'est ça, qu'est-ce qu'on souhaite dans le fond, c'est un peu ça, nous, c'est la sortie de secours est à votre gauche, c'est regardez donc à gauche quand vous avez des problèmes, des fois la solution est là, même si vous y pensez pas, puis tu sais, ce qu'on a un peu tout le temps dit, tu sais, on a souvent, il y a des sujets qu'on a ramenés souvent, en fait, c'était du gros bon sens, puis c'était des, tu sais, je pense au revenu minimum garanti, qui était un sujet qui revenait constamment dans nos segments, puis une des choses, ben, ça a été une mesure qui a... C'est pas une mesure de centre, c'est une mesure de droite et de gauche. Ça fait plaisir à tout le monde, en fait. Oui, puis ça commence à s'implanter, d'ailleurs. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, ça a été... j'ai lu le rapport, finalement, sur bon, l'implantation de cette loi-là. Puis bon, ça a du potentiel, ça s'implante extrêmement lentement. C'est pas du tout ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire que ça sera pas bon un revenu minimum universel, inconditionnel, à tout le monde. En fait, le rapport, ce qu'il dit, c'est qu'on a tellement, au Québec spécialement, des moyens de redistribuer les revenus qui sont personnalisés et efficaces, d'une certaine façon, dans leur personnalisation, que mettre la hache là-dedans pour simplement dire « on va donner un chèque semblable » à tout le monde, puis après ça, on va recréer une nouvelle couche de subvention publique pour pallier pour les gens qui ont des besoins spéciaux, mettons les personnes en situation de handicap, tout ça. Que finalement, ça devenait le rapport, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ben, ça serait inefficace en bout de ligne. Mais là, en fait, l'implantation de ça, puis c'est même pas pour vanter, disons, le Parti libéral, là, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas des fanboys, loin de là, mais... Déjà, il y a peut-être un peu d'espoir. C'est le but en arrière de ça, de la manière que c'est en train de s'implanter, c'est que personne soit en bas du seuil de pauvreté ou, disons, très loin du seuil de pauvreté. Ça permettrait aux gens, surtout les gens, qui n'ont pas une forte employabilité, donc les gens qui ont bon, soit des maladies mentales, soit des handicaps, les personnes qui sont plus âgées, ça va assurer que ces gens-là... Il n'y a pas une cochonnerie administrative à remplir, comme souvent c'est le cas avec le bien-être social, de « oui, mais là, ce mois-ci, je veux que tu m'écrives un rapport dont c'est pas trop combien de mots, puis que tu m'expliques c'est quoi toutes les démarches que tu as faites pour retourner au travail, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui sont pas dans la capacité de travailler. » S'ils étaient capables de faire une chose, de remplir un rapport de ce genre-là, ils seraient peut-être sur le marché du travail, en fait. serait peut-être en train de travailler. Oui, puis c'est quelque chose qu'on a dénoncé parce qu'il y avait des coupures affreuses dans justement l'aide sociale. Et je veux dire, au moins ceci va venir pallier. Il va y avoir éventuellement, là, c'est censé finir de s'implanter 2022-2024. Là, c'est quelque chose dans le très long terme. Puis bon, c'est quand même un premier pas, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je veux dire, ils commencent justement avec les personnes en situation d'handicap, les personnes âgées, les personnes qui peuvent avoir des maladies mentales, mais éventuellement, ça peut prendre la marche, ça pourrait toucher les étudiants, parce que veut pas, on a beau nous présenter hein, comme une future élite de la société, ce qui dans certains cas n'est pas faux, mais je veux dire... Pendant comme les fonctionnaires. pendant les années d'études, je veux dire, le taux de dépression chez les gens qui étudient à l'université, c'est élevé. Ce que les gens mangent, c'est pas nécessairement bon, puis c'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas... On n'a pas les moyens d'avoir le style de vie qu'on aurait besoin pour vraiment amener nos études au bout. Oui, c'est ça. Donc, il va y avoir déjà un premier... une première tuile de poser pour quelque chose qui pourrait être utile. Puis bon, on peut se permettre un peu d'enthousiasme là-dedans. C'est nouveau, tout frais. Puis en fait, j'ai pas vu beaucoup de gens, ni à gauche, ni à droite, critiquer... Parce que c'est un projet qui semble bien fait. Puis on va se le dire, bien critiquer la chose, parce qu'il y a eu des critiques quand même, mais c'était souvent des critiques de justement de gens mal informés, en fait, qui ne savaient pas c'était quoi. D'ailleurs, tu disais que qu'est-ce qu'on souhaite au Québec? Ben une des choses, on termine notre commentariat, mettons, de la politique, entre autres, parce que je veux pas, c'est une des choses qu'on discutait beaucoup, même si, bon, Trump est encore aux États-Unis puis tout, ça reste que on a des élections qui arrivent à l'automne, au provincial, puis c'est quand même enthousiasmant à regarder dans le sens que on a encore une vieille garde présentement. Tu sais, ça regarde pour, bon, c'est les actuels chefs qui vont faire la campagne. Par contre, c'est une des campagnes où, premièrement, changement dans l'échiquier politique, c'est encore une des campagnes où ce que la politique d'endurance de Québec solidaire, ben commence de plus en plus à attirer des grandes... on en a parlé encore tantôt de la candidature de Vincent Marissal. Bon, il y a du scandale autour de ça, mais ça reste que c'est quand même attiré une triple A personnalité, mettons, si on peut dire, là, pour le niveau du Québec. C'est quand même, là, QS commence à devenir de plus en plus crédible au pouvoir. D'un autre côté, le PQ, on souhaite que le PQ se plante aux prochaines élections afin que peut-être on ait un renouveau, justement, parce que... Jean-François Lisée, que là encore, on l'a dit, on n'a jamais été des grands fans de lui à l'émission, mais il y a Véronique Yvon, en fait, qui est actuellement sa lieutenante, qui pourrait très bien devenir... En fait, elle est sur la traque pour devenir la prochaine chef du PQ. J'ai l'impression que toute l'arrière-garde au PQ, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Il n'y a pas disons, peu importe qu'on aime ou pas la plateforme, les idées, il n'y a plus personne dans le PQ, suite à Jean-François Lisée, qui est une personne qui va fondamentalement vouloir faire du mal à des groupes de gens, qu'on parle plus démunis ou de gens qui sont issus de minorités ou gens à cause des vêtements qu'ils portent, etc. On a l'impression, effectivement, que le renouveau du PQ retourne à ses racines progressistes, en fait. Ça pourrait. Parce que là encore, le PQ, comme plein d'autres choses, était devenu un genre de parti conservateur dernièrement. Là, les partis se battaient pour savoir qui occupait quel espace du conservatisme, là, carrément. Le PLQ, en fait, même chose. Tu sais, le PLQ, ça a été le gouvernement des médecins, là, mais là encore, s'ils se pètent la gueule, ce qu'ils regardent, en fait, peut-être encore pour que ça arrive aux prochaines élections. Il y a déjà beaucoup de départs d'annoncés. On est rendu à quoi, je crois, 14 des gens qui ont décidé? Ben, c'est ça, puis... Agnès Maltais part, Agnès Maltais, c'est Jean-Marc Fournier... Jean-Marc Fournier, en soi, c'est un gros morceau du vieux PLQ qu'on n'aime pas, qui s'en va. On disait en blague, moi j'appelais en blague Sean Spicer, là, le secrétaire aux relations médias de la Maison-Blanche, je l'appelais la valeur de couleuvre officielle de Trump. Jean-Marc Fournier était la valeur officielle de couleuvre du PLQ là, depuis belle lurette, là, il a fait presque 30 ans là, au gouvernement. Là. Okay. 30 ans, presque 30 ans, 25 ans. Il y a quand même des gens positif à l'intérieur du PLQ qui, s'il pourrait prendre plus de place, ça pourrait montrer un virage qui, encore, ne serait pas fondamentalement dégueulasse. Dominique Anglade, bel exemple. On espérait la voir monter dans les rangs. Elle a déjà, en fait, justement, elle a le portefeuille de l'économie depuis un certain temps, mais justement, ça la prépare, en fait, probablement... prochaine course à la chefferie au PLQ, il y a des bonnes chances que Mme Anglade soit là-dedans. Qui n'a pas fait un mauvais travail, Hélène David, avec toutes les coupures qu'il y a eu partout, la culture a eu un passe-droit. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'à quelque part, elle a des félicitations, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, mais... Bon, on voit hein, le fonctionnaire, on dit des bonnes choses sur tous les partis aujourd'hui, mais ça, je suis neutre et ça reste quand même que, si on fait la synthèse de tout ça, on s'en vient vers des années intéressantes en fait en politique québécoise, on sort de plusieurs années plates, puis on s'en va vers des années intéressantes en fait. La campagne électorale de cet automne va être une des plus intéressantes depuis une bonne quinzaine d'années, j'ai l'impression. La dernière qui a été intéressante, c'était celle la campagne spéciale en 2012, justement, suite au printemps étudiant. Depuis ce temps-là, il y en a eu une, en fait, qui a été plate à mort. Puis toutes les campagnes qu'il y a eu avant ça, depuis le début des années 2000, c'était plate à mort aussi. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Comme je dis, ça a été les années du conservatisme de tous les bords au Québec. Là, on s'en retourne vers quelque chose d'un petit peu plus encourageant, là. Tranquillement, pas vite. Fait que c'est ça, ce qu'on se... Oui. Une autre chose que je nous souhaite, de la diversité. De la diversité, puis d'arrêter de la craindre, la maudite diversité. Dans la culture aussi, j'ai l'impression qu'on... Puis là, culture au sens large, culture québécoise, culture globale aussi. Je nous souhaite, des Black Panthers, je nous souhaite que ça devienne normal, que le personnage... qu'on voit à l'écran, ben ils soient pas pareils comme nous. Merde, ça nous fait du bien, ça nous confronte, puis on en sort toutes grandies. Puis tu parles de Black Panther comme d'un exemple de film qui était un bel exemple de ce qu'il faudrait faire pour l'avenir de plus en plus. Puis on a eu dans les dernières années, moi je pense à Ghost in the Shell entre autres, avec Scarlett Johansson qui est supposée de jouer un personnage asiatique. Il y a eu un backlash relié à ça, puis les créateurs du film qui ont fait du whitewashing ont été punis là, de ça. Oui. C'est une affaire qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années. Là. Oui, j'ai l'impression que ce qui était normal et dégueulasse ne l'est plus. Ça scandalise les gens et il faut que ça scandalise les gens. Et ça me rend enthousiaste que ça scandalise les gens. Puis on s'ouvre quand même sur ces nouvelles diversités-là. Puis une chose aussi, ceux qui ont peur pour leur culture et ainsi de suite, on veut rester le Québec veut rester le Québec. Mais il n'y a aucune culture qui est figée dans le temps. Une culture figée dans le temps, c'est comme une langue qui évolue plus, on appelle ça une langue morte. Pas parce qu'il n'y a personne qui le parle. Tu sais, l'anglais, le grec ancien, on dit que c'est une langue morte parce qu'elle ne change plus, mais ça reste que... Il y a encore du monde qui parle le grec ancien, en fait. Là. On en connaît quelques-uns, là, en philo, évidemment, là, mais ça reste que... Ce qui fait qu'une langue est morte, ben, c'est quand elle arrête de changer. C'est la même chose d'une culture. Une culture, c'est une culture morte quand elle ne change plus. Fait qu'il faut arrêter d'essayer de conserver, là, de mettre notre self collectif dans un bocal en vitre puis essayer de le garder identique. Il va changer. Pourquoi pas en profiter pour en intégrer plus dedans, intégrer plus de diversité? Il y a quelque chose de fondamentalement beau dans le métissage quand c'est pas, quand c'est pas forcé. Exactement. Puis c'est comme l'exemple que j'avais donné il y a très longtemps. Moi, ce qui m'avait amené à la radio, c'était dans le temps que j'écrivais dans le Zone Campus, notre journal de l'université. J'avais écrit à un moment donné une chronique sur le fait que le multiculturalisme puis la diversité ethnique, il faut voir ça comme, imaginez que vous habitez avec plusieurs colocs et vous faites votre épicerie en commun et un de vos colocs achète des aliments que vous ne connaissez pas. Ben vous, quand vous faites votre sauce à spaghetti, puis vous dites, là, tu sais, vous partagez, là, vous splittez la facture de toute la gang, ben mettons, vous n'avez jamais mis ça de la saucisse merguez dans votre sauce à spag, mais votre coloc en a acheté, vous avez dit, essayez d'en mettre dedans. Bien, vous pouvez l'essayer. Puis vous pouvez ne pas aimer ça, puis continuer à faire votre sauce à spag comme vous l'avez tout le temps fait. Ou vous pouvez rajouter de la saucisse merguez dedans aussi. Puis votre coloc qui n'a jamais mangé de spag parce qu'il est marocain, qui vous a poussé à mettre de la merguez là-dedans parce qu'il se dit « Hey, j'en mets dans mon couscous puis ça devrait être bon. » Mais vous allez peut-être donner la piqûre de notre bon vieux spaghetti québécois aussi. Puis c'est juste correct. Puis c'est ce qu'on souhaite, en fait. C'est un peu plus d'ouverture. Puis moi, tu sais, on entend des fois le quiconque a des boomers dans son entourage va peut-être entendre peut-être parler du fameux Expo 67 que c'était le Québec sauve sur le monde puis tout. Ben, tu sais, oui, faut continuer là-dessus. T'sais. On était peut-être en avant-garde en 67, mais faut pas retourner en arrière non plus parce que ça a pris plus de temps au reste du monde de suivre. Mais avec Internet, avec un paquet de choses, ben c'est ça l'avenir. Là. Bref, je pense que on a dit ce qu'on avait à dire. On vous souhaite du bonheur. On vous souhaite du bonheur, puis on vous souhaite rester aux aguets. Fait que c'est déjà tout pour aujourd'hui et pour ce magnifique projet qui était la sortie de secours à votre gauche. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir laissé une place dans votre salon, votre auto, votre pique-mi, votre piquerie d'héroïnomane, votre salle d'attente ou votre pause pipi aux toilettes de la chasse-galerie pendant tout ce temps-là. Ou vos conférences communistes. Aussi. On a eu bien du fun à le faire. Puis c'est pas tout à fait fini. On va être en rediffusion, comme d'habitude, samedi 11h, en balado sur notre page Facebook, dès qu'on est capable, comme tout le temps. Comme je disais, ça se peut qu'on recommence sous une autre forme. On va l'annoncer sur la page Facebook quand on va avoir pris une décision. C'est sûr que, comme je disais, nos nouveaux emplois nous limitent pas mal. Oui, mais avant d'être des co-animateurs, Sébastien et moi sommes des amis, puis on va continuer à avoir des projets. C'est ça. Dont un livre. Spoiler! Mais donc, c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'après la pause, c'est Très Blues Assez Fou avec Denis Baudin et compagnie. Puis merci encore de votre écoute et à un jour.